J'ai rêvé de l'aigle sur le cercueil. Frankenstein swag, des clous sur le serre-tête. Je me suis vu sortir de là, catwalk sur le carpet. Déterrer des trucs brillants dessous le parquet. Je faisais des croix sur la plaque avec ma mère. Elle s'est mieux coupée que toutes les pédales de ta vie. Leurs bozos très goofy, on se sait, on le sait. Pour Noël, je commande un G et un Switch. Mais c'est trop peu, je veux l'air qui fait mal. S'il y a 2-3 cosas qui viennent dans mes contacts, on s'arrange tous ensemble sur un parking mi-deux. Et dans la demi-heure, je fais des plans sur la com. Dernier blanc bec, un peu foufou de campagne. Toujours sous alcool, fort jamais sous champagne. Passe dans ma forêt, je te sors des champis. Ah, passe à la ferme, bébé, je sors des échanges. T'es bloqué dans une cage, c'était tellement dément. J'ai rongé les barreaux, y'a la trace de mes dents. Aujourd'hui, je célèbre, je me goûte sur l'excédent. Et l'orgasme à chaque fois, bâtard, est excellent. Ma sueur, mon sang encore dans le caniveau. J'ai dû faire des cascades comme Ivo Caniveau. Non, j'ai pas clair le sample, madame Papi. Les 60%, je trouve que c'est de la pinade. On aurait pu régler ça avec une caisse de Pino. Mais tu connais les caries, toujours les gros bras. On est plus fort que vous, on est plus fort que toi. Bah vas-y, garde ton trou de balai, fous-y un doigt. C'est juste un autre jour. Personne nous brise depuis qu'on est né. Le roseau se plie, reviendra les fouetter. Et si le roseau casse, ce sera avec 2 barils de terreau à ses pieds. Dans la vie d'avant, y'avait pas le temps pour les sentiments. Mais tu riches devant la banque, sale bâtard, pas devant les sentiments. La paye à l'image de ma tête, seul Dieu sait comme elle est poste. J'cours qu'après l'argent, car c'est le dernier qui m'a pas boxe. J'bavarde pendant que l'UF cache le fer de la taille d'un manteau. Ça me fait bander sec de sentir tous ces couteaux dans mon dos. On faisait un billet dans le hall, on fait 10 fois ça sur le way. J'ouvrais ma gueule pour te réveiller, pas pour divertir la plaie. 6h36 près de la planque, auprès de la planque. J'en reste maintenant avec les fers. Ah, là ça me tente, mon string se tremble quand je quitte la fente du Winchester. Écoutez, j'ai mis le temps d'un mirage. Appuyer le papier de ma mère, je veux le sentir gicler sur mon visage. Que le calibre il baise ma face, que le boug à l'étage baise ma race. Qu'on file un œuf au petit de la place. Foutre à l'envers à quitte la base. Les genoux qui flanchent quand je quitte la base. Y'a que le paycheck a pris de la masse. Un fils de pute et le prix de sa chasse. Deux gosses de plus dans le puits de la tasse. SFV, AKL et Moss Famous, nobody du jeu truqué. On crée l'argent à partir de rien. Certains se demandent si c'est de la magie noire pendant que ton trappeur a deux skills préférés réflexe la paye de ses darons. Et que ton label découvre des nouvelles manières de gaspiller la SACM de DC's la veste. On est les premiers à avoir mis la main sur la faille. Et on en paye chaque jour le prix. Pour le meilleur. Et surtout pour le pire. Néo, tu peux envoyer la suite.